بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأجردو le 26 du mois de Rajab de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entamons le 9e cours de notre série de cours sur l'explication, le commentaire du livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed fait par Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullahu Azza wa Jal. Al-imam Ahmed est mort en quelle année, les frères? Barakallahu fikoum. Hassan, faddal. 241, les frères? C'est bon? Ahsantum. Barakallahu fikoum. Le Coran est la parole incréée d'Allah. L'imam Ahmed, rahimahullah, dit dans le sens de ses paroles. Le Coran est la parole d'Allah. Il n'est pas une créature. Il ne faiblit pas lorsqu'on dit qu'il n'est pas une créature. La parole d'Allah n'est pas séparée de lui. Et il n'y a rien en lui qui soit créé. Méfie-toi de discuter avec celui qui apporte des innovations à ce propos, ou qui parle de prononciation, etc. Ou qui s'abstient en disant « je ne sais pas s'il est créé ou pas ». Ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah. Ce dernier est donc un innovateur en religion. Il est semblable à celui qui dit « le Coran est une créature ». Or, c'est uniquement la parole d'Allah et non une créature. Le résumé de la croyance des gens de la sunna concernant Al-Qur'an. Ici, notre commentaire est un commentaire concis. On ne va pas expliquer en détail ce que Al-Qur'an, au sens linguistique, puis au sens religieux, puis expliquer ce que la croyance au livre descendu et autre que cela. Ceci a déjà été évoqué précédemment dans des cours précédents donc. Et ce n'est pas le but ici. Plutôt, ici, c'est d'exposer ce fondement, ce asl, parmi les fondements de la sunna. Ce fondement qui, comme l'a dit l'imam Ahmed précédemment dans cet ouvrage, ces fondements que si une personne, ou dans le sens de ses paroles, ne respecte pas l'un de ses fondements, ne fait pas partie des partisans de la sunna. Donc chacun de ces fondements est impératif et capital pour celui qui désire s'apparenter à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire partie des gens de la sunna, des partisans de la sunna. Ahlu sunnati wal jama'a, ahlu al-hadithi wal athar, as-salafiyyun. Ici, le résumé de cette croyance est que Al-Qur'an est la parole d'Allah et elle est incréée. Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah et est incréé. Minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Il vient de lui, Al-Qur'an, il vient de lui, tabaraka wa ta'ala, et vers lui il reviendra. Cette expression est une expression qui est utilisée chez les gens de la sunna pour définir la croyance des gens de la sunna concernant Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Une expression simple et concise résumant la croyance des gens de la sunna concernant Al-Qur'an, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Al-Qur'an est la parole d'Allah, incréée, elle vient de lui et vers lui, elle reviendra. C'est ce que nous allons expliquer ici, dans le cours d'aujourd'hui. Al-Shir, de dire, hafidahullah, dans le sens de ses paroles, comme vous le savez, cette question est très épineuse, la question selon laquelle le Coran n'est pas créé. Les hommes de la sunna et du consensus, Ahlu sunnati wal jama'a, dont à leur tête l'imam Ahmed, on l'a dit, l'imam Ahmed, imam ou Ahlu sunna, ont subi une grande épreuve à ce sujet, au sujet de la croyance concernant Al-Qur'an, le livre d'Allah. Les gens ont subi prison, coups de fouet et perte d'âme à cause de cette épreuve. Celle-ci avait été menée par Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, qui sont des groupes que nous définirons prochainement, qui sont, pour résumer, des groupes qui nient les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant les règnes des califes, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, trois califes. Et cette mihna, cette épreuve, s'est arrêtée à l'époque de ce troisième d'entre eux, Al-Wathiq. La communauté musulmane a été très éprouvée durant le règne des trois califes de la dynastie des Abbasides. Et ce, par le biais des Jahmiyyah et de l'Mu'tazila, et des hommes de l'égarement qui ont oppressé les partisans de la Sunna. Seulement, Allah a prescrit la bonne fin aux pieux. L'imam Ahmed patienta donc face à cette épreuve, endura et supporta les coups de fouet, la prison et de pénibles difficultés qui ne sauraient être supportées même par les montagnes. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est ainsi qu'Allah a élevé son grade et qu'il est devenu réellement l'imam des hommes de la Sunna. Ici, Ashir nous résume cette mihna, cette épreuve, l'épreuve de l'imam Ahmed. Et pourquoi il a mérité cette appellation de imam Ahl Sunna, l'imam des gens de la Sunna. Ici, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, car comme je vous l'ai promis, Inch'Allah, on fera une assise entière sur la biographie de l'imam Ahmed. Et cette chose, cette épreuve, l'histoire de cette épreuve de Al-Mihna concernant la parole comme quoi le Coran serait créé, donc on appelle en arabe Mihnatu Khalqil Quran, donc l'épreuve de la création du Coran ou l'épreuve concernant l'affaire ou la parole comme quoi le Coran serait une chose créée, est un sujet qui est détaillé dans les biographies faites de l'imam Ahmed. Détaillé. Et ce détail, nous le ferons lorsque nous ferons cette assise, une assise entière sur la biographie de l'imam Ahmed. Et Inch'Allah, normalement, cette assise devrait avoir lieu juste après le mois de Ramadan, le temps de préparer correctement cette assise. Inch'Allah ta'ala, donc sur la biographie de l'imam Ahmed, et on parlera bien évidemment de cette épreuve. Inch'Allah azza wa jal. Donc ici, on ne va pas s'attarder sur cela. Déjà, cette parole de dire « Al-Qur'anu kalamullah » Ghayru makhlouq. Donc le Coran est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. Est-ce que cette parole a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Est-ce que quelqu'un a un hadith sur cela? Le Coran est la parole d'Allah incréée. C'est le titre qu'ils ont donné ici. Le Coran est la parole incréée d'Allah, c'est ça? Est-ce qu'on a un hadith sur cela? Hein? Pas de hadith. Est-ce que dans le Coran ceci est venu? Cette expression qu'il y a ici, est-ce que c'est venu dans un ayah du livre d'Allah? Non. Ces expressions qui sont données par nos pieux prédécesseurs sont des expressions qui sont véridiques, qui sont tirées des textes du Coran ou de la Sunna, comme nous allons le voir dans le cours d'aujourd'hui. Et ces expressions, comme d'autres que nous allons étudier dans l'étude de ce livre, sont une réfutation aux gens de l'innovation. Lorsqu'il y a eu besoin de ces expressions qui résument la croyance des gens de la Sunna, nos pieux prédécesseurs ont rapporté ces expressions. Et ces expressions, comme je l'ai dit, ont une base dans le livre d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons l'étudier. Mais ce n'est pas un hadith. Si quelqu'un te dit, mais où est la preuve de cela? Tu vas lui rapporter des versets et des hadiths. Mais cette parole-là, puisque certains parmi les gens qui désirent la polémique et qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, comme nous l'avons vu précédemment, comme l'évoque Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Ali Imran, dans les premiers versets, désirent que tu leur ramènes une preuve, ou plutôt une parole sans équivoque concernant la véracité de cette parole. Tu dis, il y a des preuves sans équivoque, mais toi tu ne les acceptes pas. Comme ces gens qui te disent, où est la preuve de Tawhid? Où est la preuve que le tawhid se divise en trois? Où est la preuve de ceci? Où est la preuve de cela? Ces gens-là, ce sont des gens qui désirent la polémique et la dissension entre les musulmans. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu vois ces gens-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha, comme on l'a vu précédemment? Prenez garde à eux. Ne vous asseyez pas avec eux. Délaissez-les. Lorsque tu connais ta religion, lorsque tu connais les fondements de la sunna, tu n'as pas besoin de rentrer dans la polémique avec ces gens-là. Comme L'a dit l'imam Malik, rahimahullah, lorsque cette personne est venue le voir et lui a demandé de polémiquer avec lui. Et lui a dit, l'imam Malik lui a dit donc, si tu me bats dans cette polémique, il lui a répondu, tu me suis alors. Et si c'est moi qui te bats, eh bien c'est moi qui te suivrai. Et si une troisième personne vient et nous bat tous les deux, eh bien nous la suivrons. Cette personne-là est une personne qui n'a pas de religion, qui n'est pas ferme dans sa religion, qui n'a pas connu les fondements de la sunna. Toi, lorsque tu connais les fondements de la sunna, alhamdulillah, tu restes sur ses bases. C'est pour cela qu'on appelle ça des fondements, quelque chose d'ancré dans le sol, qui ne faiblisse pas et qui ne bouge pas. Et sans aucun doute, la personne qui aura faibli, qui aura bougé sur ses fondements, est celle qui n'aura pas suivi la voie de nos pieux prédécesseurs dans ces sujets qui ont été évoqués par l'imam Ahmed précédemment dans le livre. La polémique avec les gens de l'innovation et des passions. Le fait de s'asseoir avec eux, de leur tenir compagnie et autre que cela. Apprends ses fondements et délaisse ces gens de la polémique qui cherchent la dissension entre les musulmans et qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement et les voies de l'égarement. Donc lorsque nos pieux prédécesseurs ont trouvé l'importance de rapporter ces expressions-là pour répondre à ces gens de l'égarement parmi le Jahmiya ou le Mu'tazila et autres que cela, ils ont rapporté ces paroles-là. Al-Qur'an ou Kalamullah, ghayru makhluq, minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Où sont les preuves? Nous allons les connaître ici. Apprenez donc ce résumé des fondements de la sunna, et les preuves, nous allons les expliquer ici. Ici, le shir de dire, Allah a raffermi l'islam par Abu Bakr, as-siddiq, radiyallahu anhu, les jours de l'apostat, et par Ahmed, les jours de l'épreuve, comme l'ont si bien dit certains salafs. Ceci est une expression qui a été employée par as-salaf. Allah a raffermi l'islam par Abu Bakr. Par Abu Bakr, a raffermi ici les musulmans. Allah a raffermi l'islam, c'est-à-dire les musulmans, les gens de l'islam, par Abu Bakr, as-siddiq, les jours de l'apostat, lorsque une partie des gens ont apostasié, lorsqu'une partie des gens ont délaissé le fait de donner az-zakat, qui était obligé d'être donné à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on dit nous ne donnerons plus az-zakat. Abu Bakr les a combattus pour cela. Allah a raffermi donc les musulmans pendant ces guerres d'apostasie par Abu Bakr. Et a raffermi les musulmans par Ahmed les jours de l'épreuve. L'épreuve de la parole concernant le fait que le Coran serait incréé comme le disent les gens de l'innovation. Et ceci, nous le verrons plus en détail, comme je l'ai dit, dans la biographie de l'imam Ahmed, inshallah ta'ala. Puis, Ashir de dire, le Coran et la Sunna montrent que le Coran est la parole d'Allah. Allah, Azza wa Jal, a parlé à travers le Coran. Il l'a révélé à Jibril, et celui-ci l'a transmis à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle quand il veut, et lorsqu'il veut. Et parmi ces paroles qui ne sauraient être épuisées par les mers, figure celle-ci, dans une traduction approximative du sens des versets, dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, combien même nous lui apporterions son équivalent en renfort. » Puis Ashir de dire, faites bien attention à cette parole-là, les paroles que je choisis de rapporter ici de Ashir, Rabi' ibn Hadi, hafidahullah, sont des paroles qui sont importantes, concises et qui résument la croyance des gens de la sunna concernant le Coran. Il dit le Coran et la sunna montrent que le Coran est la parole d'Allah, première chose. Allah a parlé à travers le Coran, il l'a révélé à Jibril, qui l'a lui-même transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous l'a transmis, sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle quand il veut et lorsqu'il veut. Puis Ashir de dire, parmi ces paroles, il y a les livres révélés avant le Coran. Tout ceci sont la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme ceci est connu lorsque l'on étudie l'un de ces fondements de la foi, l'un de ces six fondements qui sont la croyance en les livres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons déjà évoqué et étudié précédemment. Parmi ces paroles, il y a les livres révélés pour réformer les hommes, les guider, les sauver de l'égarement et les conduire vers les buts et les termes sages dont il est le seul connaisseur. Cela fait partie de sa miséricorde et de sa sagesse. Ici, Échir, encore une fois, nous évoque l'une des sagesses de la descente des livres sur ses messagers et la descente de ses livres pour les gens de la terre. Ce sont des paroles très importantes que Échir nous enseigne ici. Puis il dit, Hafidahullah Ta'ala, il appellera, donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, appellera le jour de la résurrection. Où sont mes associés? Dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal. Où sont mes associés? Traduction rapprochée du sens du verset. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, dans la Sourate Shu'ara, les poètes, le verset numéro 10. Par conséquent, l'appel ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix en fonction de ce qui s'y est à Allah, Azza wa Jal. Cela ne ressemble ni à la voix, ni aux lettres, ni à la parole des créatures. Ici, Ashir commence à rapporter des preuves montrant que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que le Coran est la parole d'Allah azza wa jal, et que la parole d'Allah azza wa jal est un attribut d'Allah azza wa jal et par conséquent n'est pas créé. Car cette épreuve, l'épreuve de khalq al-Quran, donc c'est-à-dire de cette parole qui a été avancée par le Jahmiyyah wal Mu'tazila concernant le fait que le Coran serait créé, est que le Coran, donc, est une chose créée. Comment pourrait-elle être créée alors qu'elle est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et ces gens-là, comme je l'ai dit, Al-Jahmiya wa Al-Mu'tazila, sont des gens qui nient les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous, les gens de la Sunna, nous affirmons à Allah ce qu'il s'est lui-même affirmé pour sa propre personne et ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a affirmé comme nom et attribut. Ceci est le résumé de la croyance des gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous affirmons à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé à lui-même et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme nom et attribut. Est-ce que Allah azza wa jal s'est affirmé l'attribut de la parole? Oui, nous l'avons vu ici, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. De même ici, et lorsque ton Seigneur appela Moïse. Ici, Allah Azza wa Jal dans ce verset n'a pas parlé de la parole, mais il a parlé de An-Nida, l'appel. Et ceci fait partie des preuves de la parole. Donc ceci, ce verset-là, est utilisé ici par Ashir et par les gens de la Sunna pour montrer que Allah Azza wa Jal parle à l'attribut de la parole. Mais dans ce verset, ce n'est pas la parole qui est évoquée, c'est l'appel. An-Nida. Et les gens de la Sunna disent que parmi les preuves pour affirmer l'attribut de la parole, Al-Kalam, il y a les preuves concernant le fait que Allah Azza wa Jal appelle. Parmi ces preuves, le fait qu'il appellera le jour de la résurrection, où sont mes associés? De même, ce verset où Allah Azza wa Jal appela Moïse, Moussa alayhi salam, et les versets sont nombreux dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Ashir d'expliquer cette preuve en disant l'appel An-Nida ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne peut appeler quelqu'un sans voix, sans son, sans lettres, sans parole? Non. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable de dire que quelqu'un appelle? Ici on réfute Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal, qui nient l'attribut de la parole, ils ne peuvent pas nier ce verset où Allah Azza wa Jal appelle Moussa alayhi salam. Nous leur demandons, est-ce qu'il est possible qu'une personne appelle sans son, ni lettre et autre que cela? Ceci est impossible. Explique-moi comment. Donc ceci fait partie des preuves concernant l'affirmation de la parole comme attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah azza wa jal appelle avec des lettres et une voix en fonction de ce qui sied à Allah. En fonction de ce qui sied à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que sa parole n'a rien à voir avec la parole de ses serviteurs ou de ses créatures. Son appel, An-Nida, tabaraka wa ta'ala, n'a rien à voir avec l'appel de ses créatures. Mais l'appel, dans tous les cas, est une chose qui est faite avec des sons et des lettres. Et une preuve très importante de cela, ce hadith rapporté par Abdullah ibn Unais, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, avec une chaîne de transmission, Mu'allaq. Hein? Qu'est-ce que al-Mu'allaq dans la chaîne de transmission? Fadal Sofiane. Il y a une coupure. Il y a une coupure. À quel niveau? Entre le premier rapporteur jusqu'à celui qui rapporte le hadith. Le premier rapporteur, c'est-à-dire? C'est-à-dire dans la chaîne de transmission entre les savants qui se rapportent entre eux. Uh-huh. À un moment, il y a une coupure qui peut être une coupure de temps ou entre deux personnes en fait qui étaient censées se rencontrer. En fait, ça, Ahsan, ça c'est la coupure de manière générale. Ouais. On a dit que la coupure dans la chaîne de transmission est de quatre sortes. On a dit le mu'allaq et al munqati' et al mu'dal et al mursal. Ahsantum. Quatre sortes de coupures de la chaîne de transmission. On révise les frères les cours qui sont passés quand même. Comme ça, alhamdoulillah, on s'est pas assis et on n'a pas révisé tout ça pour l'oublier. Alhamdoulillah, toujours révisé. Inch'Allah, ça restera fermement ancré en nous. Inch'Allah, wa azzawajal. Donc ici, on a al-mu'allaq. Qu'est-ce que c'est que al-mu'allaq parmi ces sortes de coupures? Tfadal Saleh. Non. Hein? À quel niveau? Ahsant. Ahsan. Donc c'est-à-dire que l'imam al-Bukhari le rapporte d'une personne de qui il n'a pas entendu. Al-Mu'allaq, c'est lorsqu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission au niveau de celui qui rapporte le hadith. Pas au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au niveau de celui qui rapporte le hadith parmi les gens de ceux qui donc ont écrit ces livres-là. Par exemple, l'imam al-Bukhari le rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça hadith mu'allaq. Ou alors il le rapporte d'une personne de qui il n'a pas entendu. Donc il y a cette coupure entre l'imam al-Bukhari et une personne au-dessus de lui de qui il ne l'a pas entendu. Ça, on appelle ça mu'allaq. À l'inverse de mursal, qui sera de l'autre côté. Al-mursal, c'est la coupure entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la personne qui le rapporte de lui. C'est bon ? Donc le mu'allaq, on a dit, si l'imam al-Bukhari le rapporte d'une personne de qui il n'a pas entendu. Et les savants disent que le mu'allaq aussi peut être directement lorsqu'une personne rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appellera cela mu'allaq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. Et comme cela dans le sahih de l'imam al-Bukhari, il y a plusieurs ahadiths, comme dans d'autres parmi les recueils de hadiths. Donc l'imam al-Bukhari rapporte un hadith directement de Abdullah ibn Unais, qui fait partie de Sahaba. Est-ce que l'imam al-Bukhari a rencontré Abdullah ibn Unais? Non. Donc c'est un hadith qui est mu'allaq. Pourquoi je rappelle cela? Pour pas qu'on dise, parfois, on dit l'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son sahih. Mais est-ce que c'est un hadith muttasil, donc une chaîne de transmission qui est liée, ou alors c'est une chaîne de transmission qui est mu'allaq, comme cela. Et Al-Hafidh ibn Hajar, dans un de ses livres, comme dans Fath al-Bari, l'explication du sahih de l'imam al-Bukhari, a lié tous les ahadiths qui ont été rapportés par l'imam al-Bukhari de manière comme cela mu'allaq, c'est-à-dire sans chaîne de transmission, il les a rapportés avec une chaîne de transmission continue, ce qui montre que aucun de ces ahadiths n'est en réalité discontinu, aucun de ces ahadiths n'est faible dans sa chaîne de transmission. Ceci pour répondre et pour réfuter les gens qui disent ce hadith-là est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari de son sahih, mais il n'a pas de chaîne de transmission, donc c'est un hadith qui est faible. Non, Al-Hafidh ibn Hajar a rapporté cela. L'imam al-Bukhari faisait cela pour certaines raisons qui lui sont propres et que je ne vais pas évoquer ici. Mais tout ça pour dire que l'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih, mais avec une chaîne de transmission mu'allaqa, donc c'est-à-dire avec un isnad mu'allaq, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Et ce hadith est rapporté de manière continue dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Et autre que cela, avec une chaîne de transmission qui est bonne, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, Allah appellera les serviteurs au jour du jugement avec un son, avec une voix, bisaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bisaut. Avec une voix, avec un son. Yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Il l'entend, cette voix, cet appel, celui qui est proche, comme il l'entend celui qui est éloigné. Ce hadith, on l'expliquera un petit peu plus tard dans des cours prochains, car il y a beaucoup de bénéfices à tirer de ce hadith. Car Abdullah ibn Unais, car Jabir ibn Abdillah a voyagé pendant un mois pour aller chercher ce hadith et l'entendre de Abdillah ibn Unais. Pendant un mois, il a voyagé de Médine jusqu'à la région de Cham pour écouter ce hadith, ce qui montre l'importance de rechercher la haute chaîne de transmission, l'importance de demander le hadith, de rechercher et de partir pour aller étudier. Et autre que cela, parmi le grand nombre de bénéfices qu'il y a dans ce hadith, qui est un hadith très important. Et dans ce hadith, ce qui nous intéresse ici, c'est cette parole. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, il l'entend, il entendra. Le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, yawm al-qiyama, il entendra le son, la voix, il entendra le son d'Allah tabaraka wa ta'ala, son appel, celui qui est proche comme celui qui est loin. Ceci montre bien que ce n'est pas une parole qu'il entendra en lui-même, qui est la parole des gens de l'innovation. Les gens de l'innovation, certains d'entre eux, je ne vais pas détailler ici parce que c'est un cours qui est concis, mais certains parmi les gens de l'innovation disent que la parole d'Allah Azzawajal est une parole que une personne n'entend pas avec ses oreilles, puisque ce n'est pas un son avec des lettres, à l'inverse de ce que Shir vient de nous dire ici. Mais plutôt c'est quelque chose qu'il entend en lui-même. D'accord ? Ce hadith-là, qui est un hadith authentique, vient réfuter cette parole-là. Puisque si une personne l'entend en étant proche comme en étant loin, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura rappelé cette chose-là ici, si c'est une chose que tu entends toi-même, celui qui est proche ou celui qui est loin? Il n'y a pas de différence entre les deux. Si tu entends la parole d'Allah Azzawajal en toi-même, où il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Si tu l'entends en toi-même, que tu sois près ou loin, il n'y a pas de différence. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela dans ce hadith? Il l'entend celui qui est proche comme celui qui est éloigné. Ce hadith est une réfutation claire à ces gens-là, parmi les gens de l'innovation qui disent que ce n'est pas un son et des lettres, la parole d'Allah Azzawajal. De même que dans ce hadith, nous voyons une particularité de la parole d'Allah Azzawajal. La parole d'Allah Azzawajal est la seule qui peut être entendue de la même manière à celui qui est proche comme à celui qui est loin. Parmi les particularités de la parole d'Allah Azzawajal, qu'elle s'entend pour celui qui l'appelle, celui qui est proche comme celui qui est loin, à l'inverse de ses créatures. Tabaraka wa ta'ala. Ce hadith est un hadith très important. Inch'Allah, on le détaillera plus. On l'expliquera plus en détail dans des cours prochains ou dans un cours précis concernant ce hadith. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris concernant l'appel, An-Nida, et le fait que les savants, parmi les preuves montrant que la parole d'Allah est un attribut du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, Al-Kalam, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, il y a ces preuves qui sont rapportées concernant An-Nida, donc l'appel. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Pourquoi est-ce qu'on essaye de prouver ici que la parole, Al-Kalam, est un attribut d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les savants, lorsqu'ils réfutent les gens de l'innovation et lorsqu'ils parlent des fondements de la sunna concernant le fait que le Coran est la parole d'Allah, ils essayent de prouver ou de démontrer que la parole d'Allah est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? C'est un cheminement dans l'argumentaire ou l'argumentation. C'est quelque chose qui est important d'être compris. Ici, on a les gens de l'innovation qui disent que le Coran est incréé. C'est le titre que vous avez ici. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Pardon. Ici, on a les gens de l'innovation, qui disent que la parole d'Allah est créée. Et les gens de la Sunna qui disent qu'il est incréé. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Et les gens de l'innovation disent que le Coran est créé. Premièrement, il faut démontrer que le Coran est la parole d'Allah. Nous avons démontré que le Coran est la parole d'Allah. Il faut démontrer maintenant que la parole d'Allah, ou que le Coran qui est la parole d'Allah, est incréé. Pourquoi ici, nous avons mené cet argumentaire, hein, à démontrer que la parole est un attribut d'Allah Azzawajal. Ahsante, mais pour quelle raison? Comment le fait de démontrer que le Coran est la parole d'Allah et que la parole d'Allah est une sifa, est un attribut d'Allah Azzawajal, va nous montrer que elle est incréée? Fadl Omar. Hein? Ahsante. Donc, détaille un peu plus, Youssouf. C'est pour aussi éviter que les gens adorent des créatures. Ahsante, mais c'est pas cet argumentaire-là. Ou c'est... Tfaddal. Parce que dire qu'un attribut d'Allah est créé, ça veut dire que Allah est créé. Ahsante. Comme ça, en réunissant vos paroles, il nous apparaît clairement cet argumentaire qui est très important. À partir du moment où on a démontré que la parole... Que la parole d'Allah Azzawajal est un attribut d'Allah. La parole est un attribut. Et que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Il nous apparaît clairement qu'il est impossible que le Coran soit créé. Puisque si le Coran est un attribut d'Allah, eh bien il ne peut pas être créé. Puisque un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas être créé. Car Allah Azzawajal est le créateur et n'est pas une créature. Et comme on l'a dit, cette règle qui est très importante, الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات, c'est-à-dire la parole à propos des attributs est une ramification de la parole concernant l'essence ou concernant l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, cette règle-là, vous vous rappelez? C'est-à-dire que si on dit que Allah azza wa jal est le créateur, il est impossible que l'un de ses attributs soit créé. Il est créateur, il n'est pas créature. Hachalahu subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc cet argumentaire qui est mené par les savants pour nous montrer que le Coran est la parole d'Allah et que la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Donc à partir du moment où le Coran est le Coran est la parole d'Allah et que la parole est un attribut d'Allah Azzawajal, nous saurons que le Coran est incréé. Est-ce qu'il y a un problème dans la compréhension ici, les frères? C'est très important. Parce que cette parole-là, le Coran est créé ou incréé, a été une très grande épreuve à l'époque de l'imam Ahmed. Et jusqu'aujourd'hui, les gens de l'innovation ont des ambiguïtés et sèment des ambiguïtés concernant cela. Et lorsque tu lis cette chose-là en français, pour beaucoup de gens, elle n'apparaît pas clairement. Qu'est-ce que ça veut dire le Coran est créé ou incréé? Je pense que ce problème de compréhension est déjà apparu à plusieurs d'entre vous lorsqu'il a lu cette parole-là pour la première fois. Le Coran incréé ou créé, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris ici? Allez frère, celui qui n'a pas compris, qu'il le dise. Ou s'il y a une ambiguïté sur quelque chose. T'as pas trop compris, Delsan. Les gens de l'innovation, ils disent que le Coran est créé. Les gens de l'innovation disent que le Coran est créé. Nous, pour les réfuter, nous avons besoin d'un argumentaire. Est-ce que... Tfaddal. Je pense que c'est surtout comment la compréhension, c'est comment ils disent qu'il a été créé, c'est surtout ça, je pense, la compréhension. Il a dit, le problème de compréhension, c'est pourquoi ou comment ils disent qu'il a été créé. Ici, c'est justement l'argumentaire-là, il va répondre à cette question. Les gens de l'innovation disent que, et ceci est le sujet du cours d'aujourd'hui, la parole, le Coran est la parole d'Allah incréée. Les gens de l'innovation disent que le Coran est créé. Et c'est le sujet de cette grande fitna, de cette grande épreuve qui est arrivée à l'époque de l'imam Ahmed et que jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des ambiguïtés qui sont semées par les gens de l'innovation. Le Coran est la parole d'Allah? Répondez. Le Coran est la parole d'Allah, oui ou non? Le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. C'est ce que nous venons de lire des paroles de Cheikh Rabia et ce que je viens d'expliquer. Le Coran est la parole d'Allah. La parole d'Allah, la parole est un attribut d'Allah? Il a l'attribut de la parole, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah Azzawajal est créé ou est créateur? S'il est créateur, il ne peut pas être créé. Allah Azza wa Jalla est le créateur. Il y a le créateur et la créature. Est-ce qu'un attribut d'Allah, peut être créé? Pourquoi? Car il est le créateur. Si tu ramènes des chouboîtes, là, on va pas finir. Ici, on essaye de donner des remèdes à cette parole-là qui est devant nous. Les chouboîtes, on les verra plus tard, Inch'Allah. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Et toutes les chouboîtes qu'ils ont autour de cela, si on commence à les ramener, on va faire une dizaine de cours sur ce sujet. Là, simplement, on veut aller petit à petit, selon ce que le cheikh, il a dit ici. C'est bon pour vous ou pas? Idrissa, c'est bon? Donc ici, ça nous amène à un point qui sera la fin du cours d'aujourd'hui. Une règle très importante concernant les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. N'importe lequel des attributs d'Allah, azza wa jal. Si quelqu'un te dit, est-ce que Allah parle? Est-ce que Allah a l'attribut de la parole? Tu dis oui. Les preuves du Coran, de la Sunna sont claires. Nous les avons évoquées ou nous en avons évoqué certaines ici. Et le reste vont venir dans les paroles de Cheikh Rabi ici dans son explication. Ceci sur n'importe lequel des attributs d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que Allah Azza wa Jal a l'attribut de la parole? Est-ce que Allah Azza wa Jal a l'attribut de la science? Est-ce que Allah Azza wa Jal a l'attribut de la clairvoyance? Et autre que cela. N'importe lequel de ces attributs. La deuxième de ces questions, si quelqu'un te demande... Quel est le sens de Al-Kalam? Qu'est-ce que veut dire la parole? Est-ce que Allah a l'attribut de la parole? Oui. Qu'est-ce que veut dire la parole? C'est-à-dire, il te demande, qu'est-ce que la parole donc? Tu lui dis, la parole est quelque chose de connu. Est-ce que Allah a une main? C'est clair? Les preuves sur cela sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Qu'est-ce que veut dire la main? Hein? Quelque chose qui est connu. Ahsant Mustafa. Hein? On ne dit pas, si quelqu'un te dit, qu'est-ce que veut dire la main? Tu ne dis pas Allahu A'lam. La main, c'est quelque chose de connu. Al-Yad, la main. Tu ne sais pas ce que c'est que la main? Est-ce que tu sais ce que c'est que la parole? Tu sais ce que c'est que la parole? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'œil? Est-ce que tu sais ce que c'est que la vue? Est-ce que tu sais... Toutes ces choses-là sont quelque chose... Le sens est connu. Quel est le sens? Qu'est-ce que veut dire cette chose? Quel est le sens? C'est connu. Là, tu ne dis pas Allahu A'lam. On est d'accord, les frères? Donc faites bien attention à ce que je suis en train de vous expliquer ici. Quatre questions... Ces gens-là, lorsqu'ils te posent cette question, c'est cette manière que tu as de leur répondre. Ici, je ne vous invite pas à débattre avec ces gens-là. C'est-à-dire que si cette ambiguïté te vient, tu sais comment y répondre pour toi-même. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a l'attribut de la parole? Oui. Quel est le sens de la parole? Qu'est-ce que veut dire la parole ici parmi les attributs d'Allah? La parole est quelque chose de connu. Al-ma'na ma'aruf. Si une personne après te dit... Est-ce que la parole d'Allah ressemble à la parole de ses serviteurs? Non. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable et il est l'audient, le clairvoyant. Lorsque quelqu'un te demande, tu viens de me dire que Allah Azza wa Jalla a l'attribut de la parole. Oui, il a l'attribut de la parole. Les preuves sont ici. Que veut dire la parole? Quel est le sens de la parole? La parole est connue. Je t'explique quelque chose de connu. Est-ce que Allah a une main? Oui, les preuves sont là. Que veut dire la main? Quel est le sens de... Qu'est-ce qu'une main? C'est quelque chose de connu. La main est quelque chose de connu. Est-ce que sa main ressemble à la main des serviteurs? Sans aucun doute, non. Est-ce que ta main à toi ressemble à la main de ton chat? Le chat a une main, une patte. On est d'accord. Est-ce que sa main ressemble à ta main à toi? Il y a donc une différence entre les créatures. À plus forte raison, le créateur, tabaraka wa ta'ala, walillah il mathalul a'la. Donc est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jal ressemble à la parole de ses créatures? Non. Laysa kamithlihi shay. C'est comme ça que tu lui réponds. pour toi. Laïsa kamis lichay. La quatrième question, si une personne te dit, et comment est sa parole? Comment est sa parole? Qu'est-ce que tu réponds? Hein? Comme l'imam Malik a répondu. Il a répondu quoi? Hein? Lorsqu'ils lui ont demandé, lorsque cette personne est rentrée dans la mosquée, il lui a dit, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux sur le trône, istawa. Il a répondu, hein? Al-istiwa u ma'loum. Wal-kayfu majhoul. Wal-su'al anhu bid'a. Wal-iman bi wajib. Wal-su'al anhu bid'a. Donc si quelqu'un te demande comment est la parole, comment est la main, tu lui dis le comment est inconnu. Wal-su'al anhu bid'a. C'est pour ça que ici, dans cette méthodologie, je ne vous ai pas dit, moi je vous demande comment est la main d'Allah Azzawajal, comment est la parole. Puisque là, de poser cette question, c'est une innovation. Si une personne pose cette question-là, tu lui dis, le comment est inconnu. À ce moment-là, cette chose-là, tu dis, Allahu alam. Faites bien attention. Quand tu dis, quand on te pose la question, que veut dire la parole d'Allah Azzawajal? Que veut dire la parole? Tu dis, la parole est quelque chose de connu. Al-istiwa ou ma'loum. Al-kalam ou ma'loum. Al-yad ou ma'louma. Ça? Là, à ce moment-là, tu dis pas, Allahu alam. Allah est plus savant sans aucun doute. Mais ça veut dire quoi quand tu dis Allahu alam, tu dis que tu ne sais pas? Non, ça c'est une erreur dans la croyance. Tu sais ce que veut dire al-kalam. Tu sais ce que veut dire al-yad. Tu sais ce que veut dire telle et telle chose. Comment est cette chose-là? Voyez, pourquoi on ne peut pas répondre à cette question? Personne n'a vu. Est-ce que quelqu'un... Hein? Déjà, il n'y a aucun compagnon. Là, ça, c'est sur la question. Mais pourquoi on ne pourrait pas répondre à cette question? Est-ce que, les savants disent, est-ce que tu as vu Allah? Donc, comment tu pourrais répondre au comment de et Allah? Ou comment est Allah? Et comme on l'a dit, Al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dhat. Donc, la parole sur un attribut d'Allah Azzawajal est une ramification de la parole sur l'être. Le propriétaire de ses attributs. Si on te demande comment est Allah, ceci est une innovation de poser cette question. Mais si quelqu'un te demande, tu n'as pas vu Allah, tu ne peux pas répondre à cette question. De même que c'est ses attributs. Car la parole sur l'un des attributs est une ramification de la parole sur le propriétaire de ses attributs. On résume et on termine le cours d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'informations ou... Ça va, c'est compris les frères? Ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, ici on a traîné un petit peu dans le cours d'aujourd'hui concernant Al-Kalam, mais ces règles que je vous donne sont des règles, parce que des règles sur les noms et attributs, il y en a beaucoup, et des règles qui peuvent être assez compliquées. Ici j'essaie de vous simplifier les règles, comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, comme je le donnais à mes élèves en Égypte au Caire. Des règles simples. À chaque fois qu'on passera sur un attribut d'Allah Azzawajal, on reviendra à cette méthodologie-là, à ces règles-là. Ici, on parle de cet attribut qui est Al-Kalam, la parole. Si on te demande, est-ce que Allah Azzawajal a l'attribut de la parole? Tu dis oui. Quel est le sens de la parole? Qu'est-ce que veut dire la parole? Tu dis, la parole, c'est quelque chose qui est connu. Ceci sur l'ensemble des noms et attributs d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce que ceci? Que veut dire la main? Que veut dire le pied? Que veut dire la clairvoyance? Que veut dire la science? C'est quelque chose qui est connu. Est-ce que cet attribut de la parole ressemble à l'attribut de la parole que l'on trouve chez les serviteurs? Tu as l'attribut de la parole. Allah Azzawajal a l'attribut de la parole. Est-ce que l'attribut d'Allah Azzawajal ressemble à ton attribut à toi de la parole? Ce verset qui est une base très importante sur les noms et attributs d'Allah Azzawajal. Il n'y a rien qui lui est semblable, il n'y a rien qui lui ressemble. Et la dernière question, si quelqu'un te pose la question et comment est la parole d'Allah Azzawajal, cette réponse, cette question-là est une innovation et le comment est inconnu. Faites bien attention, vous avez vu? Quel est le sens de la parole? Que veut dire la parole? Que veut dire la main? Allahu alam? Non. On sait ce que ça veut dire. On sait ce qu'est el-kalam. Et ici, Al-Kalam, avec un son, saut, avec des lettres, harf. C'est ce que disent les gens de la Sunna concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La parole d'Allah, le Coran fait partie de la parole d'Allah. Les livres révélés sont la parole d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal parle et appelle ses serviteurs Yom Al-Qiyama. Allah a parlé à ses serviteurs, a parlé à Moussa alayhi salam, a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est l'attribut de la parole que nous continuerons, nous terminerons d'étudier la semaine prochaine, incha'Allahu ta'ala. Et ici, je termine sur la parole de Shir, où il dit, donc, Allah parle et la parole constitue une qualité de perfection. Une qualité ici, un attribut de perfection. Les objets et les animaux ne parlent pas. Ils sont inférieurs aux humains, qui eux parlent. Allah a honoré l'être humain et l'a parfait. Parmi les signes les plus particuliers de la perfection, il y a la parole. Est-ce qu'une personne qui est muette est plus parfaite ou plus complète ou une personne qui parle ? C'est une personne qui est amoindrie, celle qui est muette, on est d'accord. On appelle ça un handicap. C'est vrai. Comment ces gens-là, parmi les gens de l'innovation, imputent donc au Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, de ne pas parler. Alors que pour eux, à leur niveau, ceci est un handicap. Ceci est une imperfection. Subhanahu wa ta'ala. Azza wa jal. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.